الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui l'explication du livre de Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, Kitab al-Tawhid, avec le sharh de son petit-fils le Sheikh Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh et également les commentaires de Cheikh Salah al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. On est aujourd'hui au cours 56 dans le livre et on a commencé au dernier cours le chapitre Bab ad-du'a ou ila shahadati an la ilaha illallah, c'est-à-dire le chapitre au sujet de l'invitation au témoignage de la ilaha illallah. Et on a commencé à expliquer le verset dans ce chapitre au sujet donc de ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. On a lu les commentaires de Cheikh Al-Fawzan sur ce verset et maintenant on était en train d'expliquer au dernier cours les explications que le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan a mentionné par rapport au tafsir de l'imam Ibn Jarir al-Tabari sur ce verset. Et maintenant, on continue donc dans l'explication du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan. Qu'est-ce qu'il dit ensuite à propos de ce verset? Il dit: وَهَذِهِ الْآيَةِ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ أَتْبَاعَهُ هُمْ أَهْلُ الْبَصَائِرِ وَدَعُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَ مِنْ أَتْبَاعِهِ عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ وَالْمُوَافَقَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَتْبَاعِهِ عَلَىٰ الْإِنْتِسَابِ وَالدَّعْوَى. Donc ça, c'est un point très intéressant ici. Qu'est-ce que le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan est en train d'expliquer? Il dit que le verset qui dit « قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي » ça dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire « Voici ma voie, voici mon chemin. J'invite à Allah avec science, moi ainsi que ceux qui me suivent. » Donc lui, il invite à cette voie, et c'est ça sa voie, d'inviter à Allah, d'inviter au tawhid, ainsi que ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils font cela aussi. Ils invitent à Allah avec science. Donc, le cheikh, il dit que ce verset, ça prouve que ceux qui suivent, ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les gens de la science. C'est les ulama. Et ce sont ceux parmi les ulama qui invitent à Allah, qui appelle au tawhid d'Allah. Ce sont eux les gens qui suivent réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, ça veut dire que celui qui n'invite pas à Allah avec science, il ne fait pas réellement partie de ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ils ne sont pas en accord de façon complète avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi. Même si on dit qu'ils le suivent par affiliation et par prétention. D'accord? Et il dit, le cheikh, après, une parole de l'imam Al-Allam ibn al-Qayyim, l'élève de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui dit, قاله العلامة ابن القيم رحمه الله وقد قال الله تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأصحابه يدعون إلى ما أمر الله به من الدعوة إلى التوحيد في العبادة والنهي عن الشرك به. Donc, le cheikh, il explique ici que cette parole, cette explication qu'on a mentionnée du fait que ceux qui sont vraiment en train de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les hommes de science qui invitent à Allah avec la science, et que ceux qui n'invitent pas Allah avec science, ils ne sont pas réellement de ceux qui l'ont suivi comme il faut ou complètement, eh bien, c'est l'imam Ibn al-Qayyim qui a mentionné ça. Et l'imam Ibn al-Qayyim, le Cheikh al-Fawzan, il dit par rapport à cette parole-là, أَتْبَاعُ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هُمْ أَتْبَاعُهُ عَلَى الْبَصِيرَةِ أَمَّا الَّذِينَ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ أَتْبَاعُهُ ولكنهم يخالفونه في كثير من الأمور فهؤلاء وإن انتسبوا إليه فإنهم ليسوا أتباعا له على الحقيقة. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique qu'est-ce que ça signifie. Il dit que les gens qui ont suivi le messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont réellement suivi, ce sont ceux qui le suivent avec science. Tandis que ceux qui ne font que prétendre qu'ils suivent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sauf qu'ils le contredisent dans plusieurs choses, alors il dit cela, même s'ils s'affilient, hein, ils s'affilient ou ils prétendent adhérer yani, à cette religion et au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ne l'ont pas suivi réellement. Ils ne l'ont pas suivi réellement dans tout ce que ça implique dans son sens profond et réel. Et ensuite, le Cheikh, il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 36 dans Surat Ar-Ra'd, dit au Muhammad, « J'ai été ordonné d'adorer mon Seigneur et de ne pas associer rien avec lui. C'est à lui hein, auquel j'invite et c'est vers lui que je retourne repentant. » Et ici, le Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire par rapport à ce verset-là. Il dit « وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَىٰ قَوْلِهِ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهِ بَلْ قَالْ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَصِحُ إِلَّا مَعَ نَفْيِ الشِّرْكِ وتجنب الشرك ثم قال إليه أدعو فهذا فيه وجوب الدعوة إلى الله إليه أي إلى الله ولا إلى غيره. Donc le Cheikh explique que le verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit au Muhammad, j'ai été ordonné d'adorer Allah, eh bien ici le Cheikh dit Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas limité à dire j'ai uniquement été ordonné d'adorer Allah. Il ne s'est pas arrêté là. Mais il a dit ensuite, par la suite, il a dit Wala ushrika bihi. C'est-à-dire, j'adore Allah, hein, j'ai été ordonné d'adorer Allah et de ne rien associer avec lui. C'est-à-dire de ne faire aucune forme de shirk et de ne rien associer avec Allah subhanahu wa ta'ala en faisant du shirk dans mon adoration avec lui. Donc, l'adoration. Pourquoi il a rajouté et que je ne fasse pas de shirk avec lui? Parce que l'adoration ne sera pas valide et ne sera pas acceptable, excepté si elle est accompagnée du rejet du shirk et du fait de s'écarter complètement du shirk. Et il dit ensuite, et dans la suite du verset, « Ilayhi ad'u », c'est-à-dire « c'est à lui que j'invite, c'est à lui que j'appelle ». Et ça indique l'obligation de faire la da'wa et d'inviter les hommes à Allah. Ilayhi, hein, ilayhi ad'u. Il dit ilayhi ad'u wa ilayhi anab. Ilayhi, c'est-à-dire c'est à lui que j'invite et à personne d'autre que lui. C'est dans ce sens-là. Et ensuite, le Cheikh explique que Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons ont toujours continué à inviter à Allah et à faire la da'wa au tawhid et à l'adoration et à purifier purifier notre tawhid et à établir le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans son adoration, et à interdire le shirk avec Allah et à faire le combat et à lutter dans cette voie et dans ce chemin. Hein? Donc le but, un des buts du djihad, c'est d'établir le tawhid sur la terre et d'enrayer le shirk. C'est ça le but ultime et c'est ça l'élément, hein, l'objectif le plus important du tawhid, de l'islam, c'est d'établir le tawhid. Et le djihad aussi, il a été légiféré pour ça. C'est-à-dire, le djihad, il a été légiféré pour établir l'unicité d'Allah dans l'adoration et enrayer et éliminer toute forme apparente de shirk, hein, de shirk et d'idolâtrie. Donc c'est ça le but ultime, et c'est ça la base même du djihad. Naam. Donc ensuite, le Cheikh, il dit « Wal ayatu fil amri bidhalika kathiratun jiddan, ka qawlihi ta'ala, waman ahsanu dinan » ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. وأهل الكتاب المذكورون في هذا الحديث من كان في اليمن من اليهود والنصارى إذ ذاك، وقوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وكانوا يقولونها ولكنهم جهلوا معناها، يعني الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. Donc ici, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, et les versets à ce sujet-là sont nombreux. Il y en a beaucoup de versets dans ce sens-là. Et parmi ces versets, il y a le verset 125 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et qui est meilleur en religion que celui qui a soumis son visage, hein, son être tout entier à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il est muhsin, c'est-à-dire yani, qu'il fait ses œuvres avec perfectionnement et en accord avec la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il établit le tawhid et il suit la sunna, hein, et il évite les bid'ah, c'est-à-dire il purifie son adoration pour Allah seul, et il rejette le shirk et il établit la sunna. C'est les deux conditions pour que les œuvres soient acceptées qui sont mentionnées dans ce verset. Parce que Islamul wajh lillah, c'est le tawhid. Et Al-Ihsan, ici, c'est dans le sens d'établir la sunna, parce que tu ne peux pas adorer Allah avec Ihsan, sauf si tu l'adores selon l'exemple du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. L'autre verset que le Cheikh a mentionné, c'est le verset 33 dans Sourate Fussilat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Et qui est meilleur en parole que celui qui invite à Allah, qui fait les bonnes œuvres et qui dit « Je suis du nombre des musulmans ». Et ensuite, il dit également la parole de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh au Yémen, ça c'est le premier hadith qui est mentionné dans le chapitre, lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, il lui a dit « Tu t'en vas vers des gens du livre, alors que la première chose à laquelle tu les invites soit le fait de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, subhanahu wa ta'ala, jusqu'à la fin du hadith. » Et les gens du livre qui sont mentionnés dans le hadith en question, c'est des gens parmi les juifs et les chrétiens qui étaient au Yémen à cette époque-là. Parce qu'au Yémen, à l'époque, il y avait des juifs et il y avait des chrétiens. Et il dit donc que la première chose à laquelle tu les appelles, c'est de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Puisqu'ils disaient déjà cette parole-là. Hein, les juifs et les chrétiens, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié « Tu t'en vas vers des gens du livre » alors que la première chose à laquelle tu les appelles soit « La ilaha illallah » Parce que, étant donné que ce sont des gens du livre, ils pourraient avoir l'impression ou l'idée que ces gens-là ont déjà cru en... Hein, ont déjà accepté la ilaha illallah puisqu'ils le disent déjà. Par conséquent, il aurait pu commencer sa da'wa par d'autres choses, c'est-à-dire appeler à faire la salat, appeler à faire la zakat, appeler à faire le jeûne, appeler à cette action ou à cette action ou des choses de ce genre. Hein? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, il a spécifié que la première chose à laquelle tu les appelles soit le tawhid, la ilaha illallah, et qu'ils unifient Allah dans leur adoration. Pourquoi? Comme le cheikh il le dit ici, la raison de ça, c'est parce que même s'ils disent la ilaha illallah, ils ont ignoré sa réelle signification qui implique le fait de purifier notre adoration pour qu'elle soit exclusive à Allah et pour qu'elle soit à lui seul, sans aucun partenaire, et de délaisser l'adoration de tout ce qui est adoré par les êtres humains en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la raison de ça, c'est parce qu'on le sait, les juifs et les chrétiens adorent en dehors d'Allah plein de différentes créatures, parmi les hommes pieux et les saints et les prophètes, hein, et ainsi de suite. Et ils disent parfois, non, on ne les adore pas, ça ce n'est pas de l'adoration, hein, on les vénère seulement. Il y en a comme s'il y avait une différence entre le fait de vénérer, hein, et d'adorer. Les deux termes sont yani, synonymes, d'accord? Donc, le fait de prétendre qu'il ne les adore pas, comme ce qu'ils disent, c'est ça que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans son livre Tark al-Shubuhat, où كشف الشبهات pardon. Donc dans son livre, il a dit ça, il a répondu justement à cette chouba. Il a dit, quand tu dis à ces gens-là, arrêtez de faire le shirk et cessez d'adorer autre que Allah, et quand tu leur dis ça aux mushrikines, ils disent, non, nous, on ne fait pas le shirk, parce qu'on n'adore pas d'autre que Allah. Et là, tu leur dis, ok, explique-moi la signification, qu'est-ce que c'est adorer? Hein? Et là, c'est là que tu vois qu'en réalité, ils ne savent pas du tout qu'est-ce que c'est la réalité de l'adoration. Hein? Et c'est pour ça qu'ils pensent que le fait de vénérer, c'est différent que d'adorer. Ok, donc il y a quelques points que le cheikh a mentionnés ici, sur lesquels cheikh Al-Fawzan il a fait quelques commentaires. Donc on va lire ces commentaires-là. Premièrement, par rapport au verset 125 dans Sourate An-Nisa, le verset qu'on a lu, cheikh Al-Fawzan il a expliqué qu'est-ce que j'ai mentionné justement. Aslama wajhahu hadha tawhid. Donc, il a expliqué que dans ce verset, le verset 125, dans Sourate An-Nisa, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit Mimman aslama wajhahu, donc Islamul wajh, il a expliqué que ça c'est d'établir le tawhid, l'unicité d'Allah dans l'adoration, de purifier notre adoration pour Allah seul et de rejeter ce qui est adoré en dehors de lui. Ça c'est Islamul wajh. Et Wahua Muhsin, hein, et il est bienveillant, il fait preuve de bienveillance et de perfectionnement dans son adoration. Ça veut dire l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de suivre sa sunna et de rejeter la bid'a, hein, l'innovation. Et le cheikh, il dit ensuite par rapport à l'autre verset, le verset 33 dans Sourate Fussilat, dans lequel on a expliqué tout à l'heure que Allah subhanahu wa ta'ala dit qui est meilleur en parole que celui qui invite à Allah. Donc, ça, c'est le mérite. Hein, et l'excellence de celui qui invite à Allah et qui fait la da'wa au tawhid, wa amila salihan, et qui fait les bonnes œuvres, wa qala innani min al-muslimin, et qui dit, je suis du nombre des musulmans. Cheikh Al-Fawzan, il dit, man ahsan, hein, ay la ahadun ahsana qawlan mimman da'a ila Allah, wa huwa hein, ahsana al-aqwal. Wa la yakfi da'a ila Allah, bal wa huwa, hein, wa amila salihan, la budda, مع الدعوة من العمل أما الذي يدعو الله وهو لا يعمل هذا لا يكفي أما الذي يدعو الله ويعني لا يعمل هذا لا يكفي قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. Donc le cheikh il explique ici que Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit et qui est meilleur, il veut dire par là qu'en réalité il n'y a personne qui est meilleur que lui. Personne qui est meilleur que celui qui invite à Allah. Et donc, pourquoi? Parce que le fait d'inviter à Allah, c'est la meilleure des paroles. Il n'y a pas une parole meilleure que celle-là. Et il dit, ce n'est pas suffisant pour lui d'inviter à Allah, il faut aussi qu'il fasse les bonnes œuvres avec. Et il dit donc, il faut absolument qu'il y ait avec la da'wa le fait de faire les œuvres aussi et que celui qui invite à Allah ou qui invoque Allah mais qui ne fait pas les bonnes œuvres, ça c'est pas suffisant. Et il cite le verset 44 dans Sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, allez-vous ordonner aux hommes de faire le bien, hein, et vous vous oubliez vous-même. Donc ça c'est une exhortation aux croyants d'inviter à Allah et en même temps de faire les bonnes œuvres. Et ensuite, le cheikh, il fait un autre commentaire par rapport au fait que le hadith mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu au Yémen pour faire la da'wa. Donc il dit le cheikh ici, ba'atha Mu'adhan ay arsalahu Mu'adh wa huwa Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu ila al-Yaman, yani ila Najran. Nasara Najran. Et le cheikh, il explique que il a envoyé donc Mu'adh au Yémen, Mu'adh ibn Jabal, un des grands savants parmi les Sahaba. Et il l'a envoyé au Yémen, c'est-à-dire un endroit qui s'appelait Najran. Il y avait des Juifs et des chrétiens là-bas. Le cheikh, il dit ensuite, dans le point à propos du hadith, le fait que il a envoyé Mu'adh ibn Jabal aux Juifs et aux chrétiens, il dit, hein, aux gens du livre, min ahli al-kitab, ay yahoud wa nasara. فأخبره بالقوم الذين سيقدم عليهم وأنهم أهل كتاب وأهل علم يجب أن يستعد لمواجهتهم. وفي هذا بيان أن الداعية يجب أن يعرف حال المدعوين قبل أن يباشر دعوتهم، يعرف حقيقتهم وأعمالهم، ويدرس أحوالهم من أجل أن يدعوهم إلى على خبرة وَمَعْرِفَةٍ بِأَحْوَالِهِمْ. Donc le cheikh explique ici un point important par rapport à la da'wa, c'est que là, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avertit Mu'adh qu'il s'en va vers des gens parmi les juifs et les chrétiens, des gens du livre. Et il lui dit, donc tu t'en vas vers ces gens-là, hein, des gens du livre. Donc ce sont des gens qui ont de la connaissance à propos d'Allah, de la connaissance à propos de la religion. Ce n'est pas comme des Arabes qui n'ont pas reçu de livre auparavant, par exemple, ou des Ummiyin, ou des Mushrikin parmi les Arabes. Non, là, tu vas avoir affaire à des gens qui ont reçu un livre auparavant et qui ont donc de la connaissance du livre précédent. Alors, prépare-toi, hein, c'est obligatoire pour toi de te préparer à les affronter et à être capable de leur clarifier la vérité. Et de leur montrer la vérité. Donc ici le cheikh il dit que ça c'est la preuve qu'il est obligatoire à celui qui invite à Allah et qui fait la da'wa qu'il doit connaître l'état des gens à qui il va s'adresser dans sa da'wa avant de même leur adresser la parole ou avant même de leur faire la da'wa. Il faut qu'ils sachent leur réalité. C'est quoi la réalité de ces gens-là? C'est quoi la réalité de leur croyance? C'est quoi la réalité de leur pratique, hein? Que tu les invites également à la ilaha illallah. Hein? Donc, le cheikh, ici, ce qu'il explique, là, c'est extrêmement important parce qu'on constate que beaucoup de musulmans, par exemple, ils veulent faire la da'wa et parfois, ils ont la connaissance du Coran et de la sunna, sauf qu'ils ne connaissent pas correctement la position ou la voix des gens à qui ils s'adressent quand ils veulent les inviter à l'islam. Et le résultat de ça, parfois, c'est que peut-être qu'il ne saura pas comment les convaincre. Il ne saura pas comment leur parler. Il ne saura pas sur quel point se concentrer lorsqu'il leur parle pour enlever leur shubuhat, s'ils ont des shubuhat ou des ambiguïtés par rapport à Allah, ou par rapport au prophète, ou par rapport au livre, ou par rapport à la croyance, à la aqida, des différents éléments de la croyance. Donc, le fait de connaître la religion de quelqu'un, le fait de connaître ses positions et ses textes, eh bien ça facilite. Ça facilite beaucoup la da'wa, parce que tu vas être capable de répondre à leurs questions de façon convaincante et de façon qui va de façon à éliminer leurs shubuhat pour être capable justement de faire rentrer dans leur esprit les compréhensions correctes de façon plus simple, de façon plus claire, inshallah. Et le cheikh il dit ensuite donc que tu dois étudier leur situation. Tu dois étudier la situation des gens à qui tu t'adresses. Et des fois, quand tu parles avec des gens, par exemple, il ne faut pas juste se limiter à la connaissance de leur religion sur le plan officiel. Parce que tu as beau connaître leur religion officielle, ça c'est une chose qui va t'aider, ça c'est certain. Mais en même temps aussi, c'est bon de connaître leur religion par rapport à leurs croyances actuelles, réelles. Pas nécessairement ce qui est dans le dogme. Parce que pourquoi? Beaucoup de peuples, ils ne croient pas à leur religion selon ce qui est mentionné dans leurs livres ou dans leurs dogmes. Ils se sont créés eux-mêmes leurs propres croyances indépendantes et culturelles. Par exemple, moi, je vais vous dire une chose par rapport ici aux Québécois. Parce que je le sais, parce que j'ai grandi dans ce pays. Et j'ai des membres de ma famille qui sont du côté de ma mère qui sont Québécois. et qui sont des Québécois de souche parce que ma mère était une Québécoise de souche. Hein. Mon père est haïtien, donc je connais aussi la mentalité des Haïtiens, je connais aussi la mentalité des Québécois. Je connais les deux. Hein. Donc je peux vous dire que par exemple, beaucoup de gens qui sont Québécois de souche, qui disent qu'elles sont par exemple catholiques hein, de naissance. Sauf que lorsque tu commences à discuter avec eux, eh bien tu vas constater que beaucoup d'entre eux, ils n'ont rien à voir dans leur croyance avec la religion catholique du tout. Parce qu'ils se sont inventés dans leur tête leur religion selon ce qui leur convient dans leur façon de penser. Ils ont pris un petit peu dans ça, un petit peu dans cette religion, un petit peu de celle-là, un petit peu de celle-là, puis ils se sont concoctés comme ça hein, une croyance sur mesure, hein, prête à porter, comme on dit. D'accord? Donc il y en a qui, par exemple, ils croient un petit peu à des croyances amérindiennes. Il y en a qui ont des petites croyances mélangées avec un peu de bouddhisme, un peu de croyances nouvel âge, hein, ésotérique un peu. D'autres qui ont rajouté à ça un petit peu de. Yanni, d'idées yanni, matérialistes. Il y en a qui ont des idées un petit peu comme qui sont athées en réalité, mais ils se disent catholiques parce qu'ils sont baptisés à la naissance, mais en réalité, ils sont plus athées parce qu'ils croient en rien du tout. Il y en a d'autres que, yani, c'est-à-dire, ils croient à la réincarnation, puis à des trucs comme ça, alors que à la base, ça, c'est pas des croyances chrétiennes. Yani, très rares sont les chrétiens catholiques qui ont lu quelque chose de la Bible. En grande partie, là, ils n'ont jamais touché même à la Bible. Ils l'ont même jamais ouvert. Non. Donc, la plupart d'entre eux, ils vont pas à l'église non plus. Ils sont jamais allés, à part lors d'un décès ou un baptême ou un mariage. En dehors de ça, ils sont jamais retournés. Ils vont jamais aller à l'église. Donc c'est ça. Donc quand tu parles avec des gens comme ça là, tu peux pas juste te baser sur le dogme. Qu'est-ce que le catéchisme catholique enseigne pour te baser sur la Bible pour leur expliquer des choses de la religion? Parce que ils ont aucune notion de base de leur religion. Si tu leur demandes même des choses, ils savent pas. Donc il faut savoir comment t'adresser à cette catégorie de personnes. Si tu parles avec des chrétiens là, protestants, des évangélistes là, qui marchent toujours avec leur Bible dans leurs mains, là, puis à chaque mot qu'ils disent, ils vont te citer une sorte des passages de la Bible par cœur. Hein, puis leur Bible, là, quand tu regardes à l'intérieur, c'est rempli de passages marqués en jaune avec du marqueur. Puis ils passent leur week-end devant le pasteur en train de lire la Bible puis chanter. Et tu vas aller leur parler avec des preuves scientifiques. Par exemple, tu diras, je vais leur dire des preuves scientifiques dans le Coran. Ces gens-là, ils ont rien à voir avec la science et ils veulent rien savoir des preuves scientifiques. C'est des gens qui n'ont basé leur croyance que sur le livre. Hein? Donc, si tu vas amener quoi que ce soit d'argument ou quoi que ce soit de logique, même la logique, ça ne marche pas avec eux parce qu'ils ne croient même pas en la logique. Leur croyance, elle est complètement illogique. Donc, comment tu peux faire pour les convaincre avec de la logique? J'ai déjà eu une conversation avec un chrétien comme ça. Quand j'ai commencé à lui parler, des explications par rapport à la Trinité, je lui ai dit, écoute, c'est pas logique. Il m'a dit, non, la religion, c'est pas basé sur la logique. Donc, ça veut dire, il n'y a aucune logique pour eux dans la religion. Ça veut dire que même qu'est-ce qui est impossible pour eux, c'est pas grave. Hein, ça, tu dois l'accepter quand même. Et donc, c'est ça, c'est pour ça, dans le sens qu'il y a des catégories, il y a des sortes de personnes, différentes croyances, et malgré le dogme qui est établi, fixé, mais ça ne veut pas dire que les gens y croient nécessairement en la religion de la façon que cela a été expliqué dans leur dogme. Hein? Chez les Haïtiens, par exemple, tu vas voir que certains d'entre eux qui sont catholiques, sur papier, là, ils sont baptisés, puis ils vont à l'église, mais au fond d'eux, ils sont des vaudouisants. Ils croient en la religion vaudou. Hein? Et ils prient à des lois, puis des trucs comme ça. Donc, c'est-à-dire que pour eux, leur vraie religion, c'est le vaudouisme. Mais ils le cachent en arrière du christianisme catholique pour. Hein, pour le, pour, c'est une manière que les esclaves utilisaient pour un peu pour comme une ruse pour continuer à pratiquer le vaudouisme parce que à l'époque en Haïti, les esclaves étaient interdits de pratiquer toute autre religion que la religion catholique. Hein, il y avait le code noir qui avait été établi par le roi de l'époque en France et qui déclarait que tout esclave qui était trouvé dans les îles en train de pratiquer une religion autre que la religion catholique, il devait être exécuté. D'accord? Il devait être tué. Alors, les esclaves, à cause de ça, s'ils avaient d'autres religions ou d'autres croyances, parce qu'en Afrique, il y avait des animistes, il y avait peut-être aussi même des musulmans parmi les esclaves, il y en avait d'autres. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait cette ruse-là ils ont montré en apparence qu'ils sont catholiques, mais ils cachent leur réelle religion, leur réelle croyance. Donc, ça, c'est parmi les exemples. Donc, si tu vas parler avec ces gens-là, tu vas leur réfuter des choses de la religion catholique, mais yani, c'est pas des gens avec qui non plus tu peux parler vraiment de logique parce que c'est des mystiques, ces gens-là. Croient en un monde mystérieux, un monde invisible qui est le monde des djinns en réalité. Et ils adorent les djinns. Et eux, ils les appellent pas des djinns, ils les appellent des lois. Hein? Donc, loi, L-O-A, L-O-A-S. Loi. C'est les djinns, c'est Shayatin. C'est à ça qu'ils prient. Et ils ont des prêtres qui font la connexion entre eux et les lois, les djinns. Hein? C'est ça, des sorciers, en réalité, c'est des sorciers. Sauf qu'il y en a il y en a qui. En tout cas, il y a différentes catégories là, de sorciers. Les Boko, les Ougans qui sont les prêtres voodoo, si tu veux. Puis il y a les Boko qui font les mauvais sorts, puis les trucs comme ça, là. Différentes catégories. Mais de toute façon, pour dire franchement, dans toutes les situations, c'est du shirk. Hein? C'est du shirk. Donc, il faut savoir comment leur expliquer le tawhid à ces gens-là. Parce qu'une fois, je lisais dans un livre, quand j'étais en Haïti, j'avais acheté un livre. J'étais rentré dans une librairie, moi j'ai toujours aimé les livres. Hein, et depuis que c'est des livres sur l'histoire, la religion, des trucs de ce genre, moi j'ai toujours aimé ça. Alors, je voulais des livres. Je suis rentré dans une librairie avec mon père et puis j'ai acheté des livres sur le voodooisme, sur différents sujets. Puis là. Je lisais dans un de ces livres que j'ai acheté, il disait que il essaie de justifier le voudouisme parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui avaient comme qui dit qu'ils ont un complexe par rapport à leur religion le voudouisme parce qu'ils disent que par exemple étant donné que la religion voudou c'était mal vu par les Haïtiens eux-mêmes. C'est comme quelque chose de honteux, il faut cacher ça, tu vois. Alors, eux, ils disaient, pour essayer de justifier ça, puis dire que non, il n'y a pas de honte là de ça c'est une religion, comme le christianisme. Ils disaient, c'est une religion, comme le christianisme, il y a des anges, il y a des anges, il y a des êtres que les gens, on ne voit pas, mais c'est la même chose, les vaudouisants, ils disent, nous, on prie. Hein, on prie à ces êtres-là, on prend des intermédiaires entre Dieu et nous, puis tout ça. Hein? Puis là, ils essaient de faire comprendre que si les catholiques, par exemple, quand ils prient à des anges, ils prient à des saints, ils disent, ben, nous, on fait la même chose. On croit en Dieu, sauf qu'on prie à des lois, c'est des intermédiaires entre nous et Dieu, puis des trucs de ce genre. Donc, j'ai dit, ils peuvent faire cette analogie avec la religion catholique, parce que dans la religion catholique, il y a cette base de shirk. Hein, d'adorer d'autres que Allah et de prendre des intermédiaires entre Allah et les créateurs et le créateur et les créatures. Ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah pour adorer Allah. Alors que c'est pas possible de faire cette analogie dans l'islam, puisque l'islam interdit toute forme d'intermédiaire et d'intercesseur entre Allah et ses créatures. On n'a pas le droit de passer par des créatures pour adorer Allah, malgré qu'il y a des égarés parmi les soufis et parmi d'autres sectes qui ont essayé d'inventer ou de créer cette forme d'intermédiaire et qui ont essayé de justifier certaines formes de shirk. Et c'est pour ça que certains d'entre eux, justement, parmi les gens qui veulent essayer de mélanger ou d'associer justement entre le voodooisme et l'islam, ils essaient de prétendre que justement le voodooisme vient du soufisme. Il y en a qui disent ça, parce qu'ils disent que le mot voodoo vient du mot woudou. Hein? Ils se sont inventés une interprétation, là, Allah musta'an. Et j'en ai entendu toutes sortes d'affaires incroyables là, de ce genre. Mais il n'y a aucune façon de justifier le shirk et les pratiques de shirk et de les associer à l'islam. Que ce soit dans le voodooisme, que ce soit dans le soufisme, toutes ces formes de croyances et de pratiques-là sont en opposition avec qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran et qu'est-ce qui est enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Donc c'est pour ça que c'est très important lorsque tu parles avec des gens de connaître leur religion. Si tu veux appeler quelqu'un à l'islam, par exemple, tu t'adresses à des Chinois ou à des Coréens ou à des Japonais ou à des Vietnamiens, des Cambodgiens, des Philippines, des gens des Philippines. Bon, les Philippines, il y a beaucoup de chrétiens catholiques là-bas parce qu'ils étaient colonisés par l'Espagne. Hein, mais sinon, les pays comme que j'ai mentionné, là, le Corée, Chine, Vietnam et tout, là. Donc, dans ces pays-là, ils ont beaucoup de croyances, par exemple, soit l'hindouisme, aussi en Inde, mais il y a aussi beaucoup d'hindous et d'autres croyances spirituelles comme le confucianisme et d'autres. En tout cas, ces gens-là, ils ont des idées, ils ont des croyances, hein? Et il faut les connaître si tu vas leur expliquer l'islam. Faut que tu saches leurs croyances pour être capable de les appeler à l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu aux Arabes à la Mecque, il connaissait parfaitement leurs croyances. Il connaissait parfaitement leurs pratiques religieuses. Il connaissait parfaitement les idoles qu'ils adoraient et le shirk qu'ils faisaient. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran tous les arguments pour réfuter les mouchriquins avec le shirk qu'ils font avec leurs idoles et ainsi de suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé ça dans sa da'wa pour les appeler au tawhid. Hein? Donc, de connaître la croyance et la religion des gens à qui tu t'adresses. Et quand je dis ça ne veut pas dire que tu vas aller nécessairement étudier tous les petits détails de la religion des gens. Hein, pour devenir un docteur ou un spécialiste de leur religion avant de leur faire la da'wa, non. Mais de connaître les choses les plus importantes dans leur religion pour être capable de les ramener à l'islam et de leur faire comprendre la fausseté qu'il y a dans leurs pratiques et dans leurs croyances qui sont contraires à la religion des prophètes, la religion du tawhid, la religion de l'islam. Donc ça, c'est extrêmement important de pouvoir le faire, même si tu vas t'adresser par exemple des fois à des athées, hein? Des fois des matérialistes, des athées qui croient en rien là, du tout. Eh bien, il y a des façons de leur expliquer et de leur établir les preuves, non seulement de l'existence d'Allah, parce que ça c'est fitri, c'est quelque chose qui fait partie de la nature, mais en même temps aussi de leur établir la preuve de la véracité des prophètes et des messagers et des livres et des anges et de tout ce qui a rapport avec le raïb. Hein? Il y a des preuves, il y a des méthodes pour ça, il y a des façons pour ça, mais il faut bien connaître leur pensée et leur façon de penser. Faut connaître certains faits scientifiques, parce que beaucoup d'athées essaient de se baser sur soi-disant la science. Qu'est-ce qu'ils appellent la science? En réalité, ils pensent qu'il y a une contradiction entre la science et la religion. Donc, quand tu connais bien des choses, des faits scientifiques, tu connais les choses qui ont rapport avec la science, tu vas être capable de leur expliquer que la science n'est pas un argument contre la foi en Dieu. Et le fait de croire ou le fait d'être un scientifique, par exemple, ça ne fait pas que on est obligé d'être athée. Tu vois, on peut être scientifique et même que le fait d'être scientifique, parfois même, ça peut être quelque chose qui va être un élément pour augmenter même ta foi et ta conviction en Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que plus que tu as de la connaissance en ce que Allah a créé et en ce que Allah a fait dans la création et dans l'univers, plus ça va augmenter ta conviction et ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en ses noms et en ses attributs, du fait que tu constates et tu es témoin de la grandeur et de la toute-puissance et de la sagesse et de la beauté et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Tandis que celui qui ignore ces choses-là, il ne va pas avoir ce même respect, hein? Cette même révérence envers Allah subhanahu wa ta'ala et sa grandeur. Donc ça, c'est des choses qui devraient les amener à reconnaître ces choses-là et à accepter ces choses-là. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc j'ai voulu m'attarder plus longtemps sur cette question-là parce que beaucoup de jeunes et des moins jeunes, même des vieux, dans tous les âges, parmi les musulmans, ils négligent cet aspect dans la da'wah. Ils ne comprennent pas cet aspect-là. Et ils veulent faire la da'wah, mais ils ne connaissent rien. Et il y en a d'autres parmi les musulmans et ça j'ai rencontré, ça m'a vraiment choqué, yani, subhanallah. Une catégorie de musulmans qui est vraiment bizarre, hein, c'est des gens qui ne pratiquent pas l'islam, mais qui aiment l'islam. Ils ne pratiquent pas l'islam, mais ils aiment l'islam. Et ils pensent qu'en s'occidentalisant et en adoptant les méthodes des koufars et leur façon de vivre, que ça, c'est ce qui va faire en sorte que les koufars vont les aimer et vont vouloir être musulmans, soi-disant, parce qu'ils pensent que eux, ils vont être capables de montrer une belle image des musulmans. Parce que pour eux, l'image des musulmans, elle n'est pas bonne. C'est seulement si on devient occidentalisé qu'on donne une bonne image de l'islam. Et ça, c'est totalement insensé en réalité. Ça ne fait aucun sens. Et c'est dû à leur ignorance qu'ils pensent de cette façon-là. Bon, pour revenir au point, qu'est-ce que le cheikh il expliquait? Donc, tu dois connaître leur état et leur situation pour pouvoir les appeler à l'islam. Mais bien entendu, le fait de connaître leurs croyances et leur religion, ce n'est pas suffisant. Il faut également connaître l'islam. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes dans la religion des gens c'est-à-dire à qui ils s'adressent. Comme certains prêcheurs, par exemple, comme Ahmed Didat, qui connaissait très bien la Bible et qui savait les versets, puis toutes sortes de choses comme ça. Mais sur le plan de l'aqida et de l'islam, il était faible. Hein? Et ce qui fait que quand il les appelait parfois à l'islam, il faisait beaucoup d'erreurs sur le plan de la croyance islamique. Hein? Parce qu'il ne connaissait pas bien l'aqida d'Ahl-Sunnah et certains éléments, il y en a qui ont rapport avec les fondements de la croyance islamique. Et c'est ce qui l'a amené parfois à faire des erreurs graves sur ces questions-là. Et également l'autre, comme par exemple, qui est son successeur presque, hein, Zakir Naik, qui est dans cette même technique ou même méthode que celle d'Ahmadinejad, et qui également, à cause de son ignorance de la aqida, eh bien, il fait beaucoup d'erreurs également. Il y a beaucoup de prêcheurs comme ça, hein, qui appellent à l'islam et qui se concentrent sur la da'wah. Mais qui ont des grosses lacunes en ce qui concerne la aqida et qui, par conséquent, ne concentrent pas leur da'wah sur qu'est-ce qui est le plus fondamental et qui font beaucoup d'erreurs aussi par la suite par rapport à la aqida. Ok, donc pour continuer ensuite, le cheikh il explique la suite du hadith lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ Shahadatu an la ilaha illallah, que la première chose à laquelle tu les invites soit qu'ils témoignent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, فَلْيَكُنَ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَدَتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَجُوزُ فِي الْإِعْرَابِ نَصْبُ الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ لِيَكُنْ وَرَفْعُ الثَّانِي عَلَى أَنَّهُ اسْمٌ يَكُونُ مُؤَخَّرٌ ويجوز العكس رفع الأول ليكن أول ما تدعو إليه وعليكم السلام ورحمة الله شهادة أن لا إله إلا الله وهذا هو الأصل الأصل تقديم اسم كان وتأخير خبرها ولكن يجوز العكس تقديم الخبر وتأخير الاسم. On est en train d'étudier, on avait étudié ça, le khabar, khabar in, wa ismu in, wa khabar in. Riwaya, na'am. Na'am, wa fi riwaya, ila an yuwahidu Allah. Wa hadha dalilun ala al-masail. Ok, donc ici le sheikh, il commence à expliquer le hadith. Il dit donc que la première chose à laquelle tu les appelles, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُهُمْ إِلَيْهِ. Donc c'est ça, le cheikh il explique que tu peux, l'i'rab, il peut y avoir différents i'rab dans cette phrase. Soit que tu considères que, يعني, comme tu dis, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُهُمْ إِلَيْهِ شَهَدَتُ أَنْ لَا إِلَى اللَّهِ. Ou bien tu vas dire, فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُهُمْ إِلَيْهِ. Et donc dans le premier cas, donc il dit c'est comme si tu considères que dans le premier cas le khabar yani c'est le khabar de liyakun, c'est ça, que le al-awwal va être khabar de yakun, liyakun, et yani l'autre ensuite le ism il va être mu'akhar et le khabar est en avant, et le ism de yakun il vient après, alors que dans l'autre cas raf' al-awwal wa liyakun awwalu ma tad'uhum ilayhi et le khabar qui vient après, c'est ça la base, ism kan il est en premier puis après le khabar, mais il dit que il est permis parfois de l'inverser, de mettre le khabar en premier puis de mettre le ism après. Ensuite, donc ça c'est pour ce qui a rapport avec la grammaire, mais pour ce qui a rapport avec la compréhension du hadith, il y a plusieurs points qui ont à être clarifiés. Il y en a deux en principal. المسألة الأولى أنه يبدأ بالدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء لأن التوحيد هو أساس العقيدة فإذا صلح التوحيد حينئذ يعني تبنى عليه الأعمال وإذا لم تصلح العقيدة فلا فائدة من الأعمال فيجب على الداعية أول ما ينظر في أمر الناس ينظر في عقيدتهم فإن كان فيها خلل أو فساد فإنه يدعو إلى إصلاحه حتى تكون الأعمال صحيحة ونافعة عند الله أما إذا كانت العقيدة فاسدة فإن الأعمال لا تنفع وجهد الداعية لا يفيد وكانت الرسل أول ما تدعو أقوامها إلى التوحيد يقولون يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لم يبدأوا بالنهي عن الزنا والنهي عن الربا وإن كانت هذه محرمات وكبائر ولكن بدأوا بما هو أهم وهو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فعلى هذا المنهج أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم عامله أن يسير على منهج الأنبياء. Donc, on va traduire cette partie. Ça, c'est extrêmement important. Le cheikh, il dit, le premier point qu'on peut tirer de cette parole, c'est que il faut toujours commencer la da'wah par le tawhid, avant toute chose. Parce que le tawhid, c'est la base, c'est la aqidah. Et la aqidah, c'est la base de la religion. Il n'y a pas quelque chose dans la religion qui est plus important que la aqidah. Et donc, si la aqidah et le tawhid est bien, est établi et il est correct, alors dans ce cas-là, tu peux bâtir par-dessus les œuvres et les bonnes choses que tu vas faire vont être acceptées et vont être bonnes. Toutefois, si ton tawhid, il n'est pas correct et ta aqidah, elle n'est pas bonne, alors toutes les autres œuvres que tu vas faire par la suite n'auront aucune valeur. Alors, il est obligatoire dans ce cas-là pour la personne qui fait la da'wah et qui invite à Allah que la première chose qu'il fasse, c'est de regarder en ce qui a trait à la aqidah des gens qu'il est en train d'inviter et que de vérifier est-ce que leur aqidah elle est bonne, est-ce que le tawhid est correct chez eux, est-ce qu'ils l'ont bien compris ou est-ce qu'il y a des défauts dedans, des défaillances ou de la corruption dans leurs croyances. S'il y a des défauts et des erreurs dans leurs croyances, il faut qu'ils commencent par la réformation et la correction de ces erreurs-là. Et une fois que c'est corrigé, alors leurs œuvres vont être valides et leurs œuvres vont être bénéfiques pour eux. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutefois, si leur croyance elle est fasida, hein, leur croyance elle est corrompue et qu'elle n'est pas bonne, eh bien, yani, les œuvres qu'ils vont faire ne seront pas profitables pour eux. C'est comme s'ils ne vont pas en tirer aucun bienfait parce que leur aqid elle n'est pas bonne. Et donc, yani, ça c'est quelque chose qui existe parfois chez certains, même parfois des frères qui sont convertis et qui ont connu la sunna, qui ont connu le tawhid et qui ont connu l'islam, mais dans l'application, ils le mettent pas en pratique. Tu vois, il y a des gens, par exemple, qui, subhanallah, ils se sont convertis à l'islam et ils ont des familles qui sont pas musulmanes, hein? Leurs parents sont pas musulmans, leur père, leur mère et des gens de leur famille. Et eux, ils parlent avec leurs proches en essayant de leur dire, par exemple, « Oh non, ça c'est haram, ça c'est pas permis, ça c'est permis. Hein? » Et ils se concentrent sur quoi? Sur, par exemple, la tenue vestimentaire, sur la nourriture, qu'est-ce qui est halal ou haram, le porc, ou bien sur, par exemple, le fait d'écouter de la musique ou de faire de la mixité. Peut-être que, par exemple, certains parmi les gens qui sont convertis à l'islam, leurs parents, ils sont ensemble, ils sont même pas mariés. Peut-être son père et sa mère, ils vivent ensemble, ils ne sont pas mariés. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, non, mais là, il faut vous marier parce que vous êtes dans le haram, vous n'êtes pas mariés, ça c'est haram et tout, vous faites le zina. Et ils vont leur dire, par exemple, yani, il ne faut pas t'habiller comme ça, si tu sors, il faut que tu te couvres et tout. Alors que même s'il ne buvait pas d'alcool, même s'il ne faisait pas le zina, même si la mère, elle disait, ok, d'accord, je vais mettre des robes longues, hein, et je vais mettre le voile. Et même si ils vont dire, ok, on ne boit plus de vin, et on ne mange plus de porc, et on achète la viande halal, mais qu'ils ne croient pas en Allah, ils ne croient pas au tawhid, ils adorent des idoles. Hein. Est-ce que Allah va accepter leurs œuvres? Est-ce qu'il va accepter d'eux le fait qu'ils délaissent des choses interdites par l'islam? Non. Hein? C'est comme si, par exemple, si on suppose qu'un pays quelconque, parmi les pays de Kufr, les pays chrétiens ou européens, dit ou déclare que, bon, aujourd'hui, on va appliquer la charia. Toutes nos lois vont être tirées du Coran. Mais on ne croit pas en l'islam. Et on ne croit pas en Allah. Mais on veut juste utiliser le système et les lois musulmanes. Parce qu'on trouve que c'est quelque chose de bien. Est-ce que ça ferait de ce pays-là un pays musulman? Non. Pourquoi? Parce que la religion musulmane, elle est basée sur la croyance et sur la aqida avant toute chose. Donc, ce n'est pas suffisant de juste se limiter à dire on va croire en les interdictions ou les pratiques, on va faire ci, on ne va pas faire ça, et que ton tawhid, il n'est pas établi. Et le cheikh, il dit que tous les messagers que Allah a envoyés, la première chose qu'il disait à leur peuple, c'est les appeler au tawhid. Il disait, ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez rien, hein, vous n'avez rien à adorer. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré à part lui, hein, ou en dehors de lui. C'est-à-dire, adorez Allah seul et rejetez tout ce qui est adoré en dehors de lui. Donc, ils n'ont pas commencé par le fait de dire, arrêtez de faire le zina, arrêtez de faire du riba, arrêtez de manger du porc, arrêtez de boire de l'alcool, arrêtez de faire ci et ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas commencé sa da'wa comme ça. Pendant 13 ans, il était à Mecca, il n'a jamais dit aux gens, arrêtez de boire de l'alcool. Pourtant, les Arabes, ils buvaient toujours de l'alcool. Il ne leur a pas dit, arrêtez de boire de l'alcool. Hein? Qu'est-ce qu'il leur a dit en premier? Arrêtez d'adorer les idoles. Et c'est là-dessus qu'il s'est concentré parce que c'est la base de la religion. Et les Arabes ont compris ça très bien. Hein? Et le cheikh, il dit, malgré que tout ça, c'est des grands péchés, c'est-à-dire l'alcool, le zina, le riba, hein, toutes ces choses-là sont des grands péchés, des kaba'ir. Ça, il n'y a pas de doute. Et on ne dit pas que c'est permis. On ne dit pas que c'est quelque chose qui n'est pas grave. Sauf qu'il faut commencer par qu'est-ce qui est plus important et qu'est-ce qui est fondamental, c'est-à-dire le tawhid d'Allah et le rejet du shirk. Et ça, c'est la méthodologie de tous les messagers. Et donc, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Mu'ad ibn Jabal, tu t'en vas au Yémen et tu vas rencontrer des gens du livre, alors que la première chose à laquelle tu les invites soit de dire « La ilaha illallah » et de reconnaître que Allah seul mérite d'être adoré et que tout ce qui est adoré en dehors de lui est faux, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, il est en train de lui indiquer qu'il doit suivre et emprunter la méthode et la voie des prophètes pour faire la da'wah. Hein? Et c'est ça la méthode des prophètes. Yani, c'est vrai, qu'est-ce que tu dis? Les gens de Bid'a, par exemple, les Hizbiyin, les Ikhwan, les Tablir et autres, quand ils prêchent à l'islam, ils prêchent, mais ils ne parlent pas du tawhid. Ils prennent le tawhid comme si c'était quelque chose d'acquis, comme si c'est quelque chose qui est inutile, on n'a pas besoin d'en parler parce qu'on est déjà musulman. Alors que parmi eux, il y en a qui ont des croyances de shirk, et il y en a qui font même des pratiques qui sont shirk. Alors, ils adorent des tombes, ils prient à des saints, ils cherchent la baraka des morts, ils font des pèlerinages aux tombes, et ils font toutes sortes d'autres formes de shirk et de bid'a. Ils mettent des amulettes et des porte-bonheur. Ils vont voir des sorciers ou bien des voyants ou des diseurs de bonne aventure pour leur demander l'avenir ou des choses de ce genre. Tout ça, c'est des formes de shirk. Hein? Donc, c'est pas suffisant juste de dire on est musulman, on dit la ilaha illallah, mais on ne comprend pas du tout qu'est-ce que la ilaha illallah signifie, on ne comprend pas qu'est-ce que ça implique et on ne comprend pas non plus qu'est-ce que ça oppose. Hein? Et par conséquent, on contredit la ilaha illallah tout en le disant sans le comprendre. Et c'est ça l'erreur de ces groupes de soi-disant de propagation soi-disant de l'islam, mais ils ne propagent pas l'islam réel. Ils ne propagent pas la méthodologie qui a été enseigné par les prophètes. Il enseigne quelque chose qui est un islam superficiel, quelque chose qui est juste en apparence, c'est-à-dire le fait de se dire musulman et l'apparence de l'islam, sans connaître réellement le fond et le centre le plus important de l'islam, la base même de la religion, qui est le tawhid. Après le cheikh, le cheikh dit: وأما الذي لا يدعو إلى التوحيد ولا يهتم به وإنما يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويدعو إلى الفضائل والزهد ويدعو إلى أشياء جانبية ولا يهتم بالتوحيد وهذا مخالف لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ودعوته لا تثمر شيئا فمنهج الأنبياء هو البداءة بالدعوة إلى التوحيد لأنه الأساس فليكن أول ما تدعوهم يعني قبل كل شيء. Donc le cheikh il dit, tandis que ceux qui n'appellent pas au tawhid et qui ne donnent pas d'importance au tawhid et qui vont se concentrer par exemple comme tablir sur ils disent il faut enseigner le bon comportement et des choses de ce genre, il faut faire les bonnes œuvres, hein, et ils parlent des fada'il, hein, fada'il al-a'mal, les mérites et l'excellence de faire certaines œuvres, hein. C'est important de faire ça, c'est des bonnes œuvres. Az-zuhd, de délaisser la dunya, de ne pas s'attacher trop à la dunya. Et qui appelle à toutes sortes d'autres choses qui sont des choses en réalité secondaires. Hein? Et qui ne donnent pas d'importance au tawhid, qui est la base. Et ça, c'est en contradiction avec la méthodologie des prophètes, comment eux, ils invitaient les hommes à Allah et à l'islam. Et donc, c'est une da'wa qu'ils emploient qui ne produit rien. Il ne produit pas de fruits. Et il dit, c'est la méthodologie des prophètes et la voie des prophètes dans la da'wah, c'est de commencer par le tawhid, et c'est ça la base. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Mu'adh ibn Jabal, quand il est parti au Yémen, il lui a dit que la première chose à laquelle tu les invites soit le tawhid, la ilaha illallah, avant toute autre chose. Et c'est ça qu'il faut faire ici même. Même nous aujourd'hui, lorsqu'on parle avec des non-musulmans, que ce soit des chrétiens ou des juifs ou des athées ou autres, on doit commencer par le tawhid aussi. Hein? Et c'est absurde et c'est ridicule si tu vois un chrétien, par exemple, tu lui dis, écoute, il faut faire le wudu 5 fois par jour pour faire la prière, sinon ta prière ne va pas être valide. Tu dis ça à un chrétien qu'il faut faire le wudu avant de prier, mais lui, déjà, son cœur, il est rempli de shirk. Et toi, tu veux lui purifier son corps, alors son cœur, il est déjà plein d'impuretés. Pour qu'il commence en premier par purifier son cœur du shirk et de l'idolâtrie et de l'adoration des créatures, pour qu'il comprenne que la religion d'Allah, elle doit être, elle implique de purifier notre adoration pour qu'elle soit exclusive à Allah, et que tu n'adores rien que Allah seul, et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tu le rejettes et tu le refuses. Une fois que tu as accepté ça, après, tu peux commencer à apprendre à quelqu'un comment se purifier son corps et comment établir ses adorations et comment s'écarter de ce qui est interdit et comment faire ce qui est ordonné et ainsi de suite et faire ce qui est recommandé par la suite. Mais de sauter les étapes, ça c'est ridicule. Hein? C'est inutile. D'accord? C'est comme si par exemple, c'est comme tu veux montrer à quelqu'un comment conduire une voiture, hein? Tu lui montres comment tourner le volant, mais tu oublies de mettre un moteur dans la voiture ou de mettre de l'essence dedans. Hein? C'est ridicule. Il faut commencer par la base en premier avant de passer aux autres choses. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la prochaine fois. Le deuxième point de ce que le cheikh a expliqué par rapport à ça, parce que sinon, on va dépasser le temps. Donc, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.